Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, la figure de Cronos. Il est une figure héritée de la vieille mythologie grecque, particulièrement à travers la théogonie d'Hésiode. Il est donc une figure qui a largement dominé l'imaginaire occidental, qui est la figure de cet ancien dieu que nous appelons Saturne, ou sous son nom grec, Cronos. Cronos, avec un K d'ailleurs, qui souvent, et selon la leçon de l'orphisme tardif, a été assimilé à Cronos avec un qui grec, c'est-à-dire un CH, et Cronos donc assimilé à la puissance du temps. Et de ce point de vue-là, ce dieu Saturne, ou ce dieu Cronos, tel qu'il a été récupéré dans l'alchimie, où il est assimilé au plomb, le métal noir, le métal vil, tel qu'on le trouve dans la tradition astrologique, où il est le dieu de la mélancolie, et c'est ainsi qu'on va le voir particulièrement ressurgir à partir de la fin du XVe siècle, dans la Florence des Médicis, puis ensuite pratiquement dans toute l'Europe, et il suffit de penser bien entendu à l'anatomie de la mélancolie de quelqu'un comme Burton, en Angleterre au début du XVIe siècle, où donc en astrologie, le dieu Saturne, le dieu Cronos, est celui que l'on appelle le grand maléfique, celui qui règne sur les humeurs noires, celui qui d'une certaine manière est un signe néfaste lorsqu'on le trouve dans sa carte du ciel. Et où ça va se terminer par Saturne dévorant ses enfants, le fameux tableau de Goya, que l'on trouve au musée du Prado à Madrid, où on voit une sorte de géant qui avale quelque chose que l'on devine être ses enfants, puisqu'il s'agit d'une masse un peu informe, d'une manière horrible, avec du sang qui lui coule de la bouche, et où là, on atteint, si l'on peut dire, à l'acmé précisément de cette imagination du dieu Cronos. Or, ça a été le travail de quelqu'un comme Valéry Redon, docteur en histoire ancienne, que de revisiter ce dieu Cronos, de le replacer dans le contexte de l'idéologie indo-européenne où il trouve ses sources, et de nous montrer que nous avions oublié que le dieu Cronos était peut-être effectivement celui qui avalait ses enfants, ainsi que nous l'avait dit Hésiode, mais encore s'agit-il de comprendre pourquoi, mais que c'était aussi le dieu de l'âge d'or, ce que l'on avait laissé en silence, si l'on peut dire, tel qu'on le trouve dans les travaux et les jours du même Hésiode, où c'était le dieu des îles fortunées, des îles des bienheureux, tel qu'on le trouve dans le texte d'un grand poète comme Ovide. Et à travers une étude qu'il vient de publier aux éditions du Labyrinthe, l'apologie du dieu Cronos, il essaie de redresser, en fin de compte, l'imagination que nous en avons, la représentation que nous en avons, afin de nous faire comprendre comment il s'insère dans l'idéologie trifonctionnelle qui était celle des Indo-Européens, telle que l'a fait ressortir quelqu'un comme Georges Dumézil, et quel est son sens véritable que nous avions largement perdu de vue. Et en sa compagnie, nous avons, pour essayer d'évaluer en fin de compte la signification psychique que peut avoir véritablement ce dieu lorsqu'on le prend dans l'ensemble de ses figurations, avec lui nous avons donc Aimé Agnel, psychanalyste, ancien président de la Société française de psychologie analytique. Reste pour nous quand même aujourd'hui, même si son culte s'est éteint il y a très longtemps, un dieu éminemment structurant pour notre société moderne occidentale. Alors on peut voir notamment que il est présent dans notre temps quotidien, hein, puisqu'il rythme un jour de la semaine, le samedi, qui est le jour de Saturne. Hein. Traditionnellement en latin c'était le Saturnidies. En anglais, on l'appelle encore aujourd'hui le Saturday, le jour de Saturne. C'est aussi un dieu qui est présent dans notre espace, hein, puisque il a une planète aussi qui est dans notre système solaire, la planète de Saturne. Et on peut dire aussi qu'il rythme donc notre temps quotidien, mais rythme aussi notre temps sacré, puisqu'il est sûrement un des fondateurs d'une ou deux de nos fêtes religieuses contemporaines, qui sont la fête de Noël et sûrement aussi la fête de Carnaval. Cronos dévorant ses enfants, oui, c'est en fait ça, c'est ce qu'on trouve chez Hésiode dans la Théogonie au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce que nous, la représentation qu'on en a aujourd'hui est une représentation ou plutôt une interprétation philosophique tardive, hein, qui n'est plus celle du mythe propre, mais qui est en fait une interprétation néoplatonicienne qui est apparue, je pense, à l'époque hellénistique, hein, qui a été reprise aussi par les Romains, avec l'idée qu'en fait, Cronos serait le dieu du temps. Mais alors, précisément, Valérie Redon, cette figure de Cronos, telle qu'elle a été traditionnellement interprétée chez nous, à partir du néoplatonisme, très certainement, en effet, mais on voit très bien comme elle est, je dirais, funeste d'une certaine manière, puisque l'astrologie, quand elle parle de la planète Saturne, parle du grand maléfique, et apparemment on ne voit que cet aspect terrible, d'une certaine façon. On voit très bien comment il y aura toute la réflexion sur la mélancolie qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'alchimie, etc., et avec le platonisme de Florence, avec Marcel Vissin, dans lequel Cronos ou Saturne est le dieu de la mélancolie. Et apparemment, nous n'avons pas voulu tenir compte, nous n'avons pas voulu connaître beaucoup d'autres textes qui nous disent tout à fait autre chose. À la même époque, en fait, il y a une grande fête éminemment positive qui s'appelle la fête des Saturnales, hein, dans la Rome antique, et qui se déroule au début de l'hiver et qui est une fête des plus joyeuses, hein, que nous connaissons tous, qui apporte énormément de choses positives, de joie. Mais ce n'est pas cet aspect-là que nous nous en avons retenu. Alors, il y a une évolution historique des choses qui fait qu'en fait, d'un côté, il y a le christianisme, sans doute, qui a joué d'un côté pour en fait saper tout ce qu'il y avait de positif dans les cultes païens, et notamment le culte de Saturne, et toute la débauche qu'on suppose au temps des Saturnales. Et il y a, de notre côté, l'oubli par l'homme, au fur et à mesure du temps, d'aspects qui, pour lui, ne le concernent plus et ne le touchent plus directement. Et là, ce sont, en fait, tout ce qui a trait au sens du mythe grec. Epos Atlantis, Hades, quem montibus olim, ed idit Arcadis pleias una iovi. Saturne, Cronos, est un archétype, mais un archétype qui est souvent présenté sous une forme dissociée ou clivée. C'est-à-dire qu'un seul aspect de l'archétype est utilisé, est compris et manifeste, c'est son aspect maléfique la plupart du temps. Et l'autre aspect qui est très important et qu'il porte en lui, dans les enfants qu'il a engloutis, est laissé de côté, c'est-à-dire l'aspect plus jeune de ce Sénex. Autrement dit, ce qui manque la plupart du temps dans une approche au moins psychologique de cette personnage mythique, c'est le fait de redécouvrir en lui des contraires, des opposés. Et pourtant, par exemple, dans l'alchimie, on trouve vraiment une exposition de ça très précise, hein. En particulier dans le livre de Michel Mayer, qui est un alchimiste du XVIIe siècle, La Talente fugitive, il présente Saturne d'une toute autre façon que ce qu'on a dans la tête la plupart du temps aujourd'hui. C'est-à-dire que pour le voyage de l'âme, il expose qu'on part bien de Saturne, c'est-à-dire de l'endroit le plus loin du Soleil, l'endroit froid, l'endroit lourd, l'endroit obscur, et pour aller vers Mercure, qui est lui le plus près de la conscience, et dans une zone très éclairée. Mais le pèlerin de l'âme doit faire retour, à Saturne. Et c'est dans ce retour que l'âme peut rencontrer véritablement Mercure. C'est dire qu'entre le Mercure jeune et le Saturne vieux, il y a une relation très très étroite. Mais la plupart du temps, on dissocie ces deux termes du même archétype et on arrive à une sorte de caractérologie simplifiée de l'un et de l'autre. Mais alors, ce qui est étonnant par rapport à ce que vous dites et à ce qu'a écrit effectivement Michael Mayer, enfin Michel Mayer, c'est-à-dire le voyage de l'âme de Saturne vers à Mercure et retour, si on peut dire, on sait très bien qu'on a des textes, je pense parce qu'il y a un texte saxon du 8e siècle, dans lequel on part de Mercure, on va à Saturne et on revient à Mercure. Oui. Et on s'aperçoit que Mercure est devenu du dieu des mensonges qu'il était au départ, le tristeur d'une certaine manière, il est devenu au contraire l'Hermès, le grand Hermès, qu'il a fallu passer par Saturne pour qu'il devienne Hermès. Bien sûr. Oui, mais c'est un fait qui est peu reconnu, c'est-à-dire cette ambivalence très caractéristique de l'archétype, comme en parle Jung. Hein. Tout archétype est ambivalent, c'est-à-dire qu'il a des aspects positifs, mettons, pour parler de cette façon un peu morale rapide, et des aspects négatifs. Et c'est ce qui fait l'intérêt, d'ailleurs, de ces archétypes. C'est leur complexité et le fait qu'il y a une balance sans cesse qui peut se voir dans le travail clinique, hein, entre l'aspect positif et l'aspect négatif. Mais la plupart du temps, on préfère opérer une scission qui fait que l'esprit sait davantage où il met les pieds. Enfin, comme ça, on peut combattre un aspect et adhérer à l'autre d'une façon plus tranquille. Valérie Redon, ce qui est assez étonnant, c'est que on fait toujours généralement référence à Hésiode pour parler de Chronos, bon, mais on oublie toujours qu'à côté de la Thégonie, il y a quand même les travaux et les jours, dans lesquels le Chronos nous s'est présenté d'une manière extrêmement différente, et on a l'air d'oublier beaucoup de textes latins, je pense en particulier aux Métamorphoses d'Ovide, dans lesquels le Chronos ou Saturne est quand même le dieu des îles des bienheureux. Et il a une sorte de traversée qui fait que, en fait, il va devenir, ou il va redevenir, je ne sais pas, le dieu de l'âge d'or. D'abord, qu'est-ce que l'âge d'or peut-être, hein, c'est peut-être une chose qu'il nous faut dire. C'est en fait, le règne de Chronos se situe on peut dire à l'aube des temps. Hein. Il faut resituer la chose. Alors dans la théogonie d'Hésiode, Chronos se situe lui à une charnière quasiment au départ du monde. Hein. Au départ est le chaos. Du chaos va sortir la Terre, Gaïa. Gaïa va enfanter seule un fils qui va devenir son mari. Uranos, le ciel, et de ce couple, fusionnel, hein, va sortir la race des titans. Alors la race des titans, qui sont 12 dieux hein, primordiaux, qui vont construire le monde, et dont fait partie le dieu Chronos, qui est le dernier-né. Mais le problème pour ces 12 dieux qui sont appelés à construire le monde, hein, qui sont appelés à bâtir les montagnes, à construire, à faire surgir les fleuves, à faire surgir les astres, le soleil, la nuit, ces dieux-là ne peuvent pas s'exprimer. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas s'exprimer? C'est parce que le ciel et la terre fusionnent constamment. Le ciel est insatiable de rapport hein, avec son épouse et il ne laisse pas place en fait à ses enfants pour s'exprimer. Et de ce problème-là, Gaïa, la Terre, va trouver une solution et va demander à ses fils hein, de combattre leur père. Un seul va se lever et va dire « Moi, je vais le faire, c'est Chronos hein. ». Chronos va prendre l'outil que lui a fait sa mère, qui est une faux, en acier. Il va se cacher dans les jupons terrestre de sa mère, il va attendre que son père se rapproche, et là, il va castrer son père. Et c'est de cette castration-là que le ciel va en fait s'écarter de la terre et laisser la place aux titans pour qu'il puisse bâtir le monde. Alors Chronos prend la place de son père, le premier souverain du monde, il devient le deuxième souverain du monde, et lui, de son règne, où en fait Uranos, lui, a fait surgir la création, et Chronos, lui, va l'organiser. Alors il va laisser la place à ses frères et sœurs pour bâtir le monde et de là les choses vont s'organiser hein, et donc le ciel va devenir lumineux, les astres vont apparaître, le soleil, la lune, les étoiles. Et il va y avoir les montagnes et surtout aussi il va y avoir l'apparition de l'homme. L'homme jusque-là n'existait pas, ni les animaux, ni les poissons, aucun volatile non plus, c'est Chronos, c'est sous le règne de Chronos que tout ça va émerger et va prendre place. Généralement, on a retenu effectivement que Chronos avait castré son père en disant vraiment c'est un dieu épouvantable de cette manière. Mais en même temps, c'est comme dans beaucoup de cosmogonies, je pense à la cosmogonie babylonienne, la manière dont le dieu Marduk défait la déesse Tiamat, dans la Genèse, la manière dont Dieu sépare les océans du ciel, etc. C'est qu'on a l'impression que Cronos est en même temps le dieu grâce à qui le monde peut exister, grâce à qui le monde peut se mettre en ordre, et grâce à qui il y a une véritable création, et non pas simplement une espèce de chaos informe, qui représente quand même un peu l'accouplement indéfini, si on peut dire, d'Uranos et de Gaïa. Et effectivement, cet acte fondateur, l'acte d'entrée dans la mythologie de Cronos, et en fait son acte qui va lui, qu'on peut dire, de souveraineté, c'est cet acte-là qui va lui donner la souveraineté sur le monde, et celui qui va permettre l'organisation du cosmos, la castration de son père avec sa faux ou sa serpe, en fait, est un acte éminemment bénéfique pour la création. Donc il y a là une sorte de... C'est un acte de création cosmique, c'est aussi un crime. Et ce crime est un crime nécessaire pour l'accomplissement du monde. Cette scission dont vous parlez, Emmanuel, est-ce qu'elle n'est pas en grande partie un héritage de notre tradition culturelle ? C'est-à-dire que les opposés n'ont rien à voir les uns avec les autres. Oui, parce que si on se reporte au vieux texte, on s'aperçoit quand même que Saturne, même chez Hésiode, c'est le dieu de l'âge d'or. Oui. Chez Ovide, c'est celui qui va régner sur les îles bienheureuses. Bien entendu. Il y avait quand même l'espérance du retour du règne de Saturne, c'est-à-dire le règne de la fertilité, le règne de la fécondité, etc. Donc les anciens, apparemment, eux, avaient l'air très bien de savoir qu'il était à la fois le dieu de la mort et le dieu de la vie. C'est ce que j'ai aimé dans le livre de Valérie Redon, Apologie du dieu Cronos. Il y a là une réhabilitation de tout un aspect de Saturne qui, habituellement, est passé... à la trappe, c'est-à-dire tous les aspects positifs de Saturne. Oui, mais c'est justement la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que c'était passé à la trappe ? Moi, je pense que les contraires font peur à la plupart des gens, et alors qu'il y a une tradition, même occidentale, de reconnaissance de la dynamique qui existe entre les contraires, qu'on pense à Montaigne au XVIe siècle, plus près de nous, quelqu'un comme Albert Camus, en passant, j'oubliais, au passage Mallarmé, ou tous les grands penseurs de notre temps ont fait référence au contraire comme un élément dynamique qui est essentiel à la vie et au vivant. Mais l'esprit européen, l'esprit occidental est plus porté vers une dissociation, vers une distinction et même une fission entre les contraires, de façon à ce qu'on puisse adhérer aux uns et rejeter les autres. Il me semble qu'il y a là une tentation très fréquente. Et on le voit, par exemple, ça a des effets maléfiques et très dommageables dans la clinique. Bien des psychologues pensent que dans le couple Pouer-Sénex, qui est une des formes de Saturne finalement, la considération de l'enfant comme quelque chose qui n'est pas assez maturé, qui n'a pas assez évolué, conduit certains psychologues à considérer le développement de la personne comme l'abandon de tout ce qui touche à l'enfance pour arriver à un état adulte, qui serait Saturne, mettons, une certaine conception de Saturne dans une vision simplifiée de l'archétype. Et ça, le résultat de ça est catastrophique, parce que abandonner l'enfant pour devenir un adulte sérieux, appliqué, capable d'un travail ardu, d'un effort continu, etc., etc., ça crée finalement, à la fin de certaines analyses, des personnes qui ont un air triste et compassé, car ils ont bien compris qu'il fallait travailler pour vivre, qu'il fallait être déterminé dans ses actions, mais ils ont perdu une partie de l'archétype tout à fait essentielle, qui est dans ce cas-là le pouer, qui est pourtant indissociable du Sénex. Cette importance donnée au Sénex, finalement, se lit très bien dans une très vieille émission de France Culture où on interviewait ce qu'on appelait à l'époque des analysés. Et ce qui m'avait frappé, c'était très intéressant, et les gens témoignaient d'une transformation de leur vie, de leurs problèmes grâce à l'analyse. Hein, c'était quelque chose de tout à fait passionnant. Mais il ressortait un air de tristesse de tous ces témoignages qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais pourquoi ces gens sont si nostalgiques de quelque chose de perdu? Alors, ils avaient réussi à passer un cap, à ne plus souffrir comme ils souffraient auparavant, mais ils étaient tous tristes. Je pense aussi à la fameuse phrase de Henri Corbin dans la postface à Réponse à Job, dans laquelle il parle de l'homme renovatus in novam infantiam, rené dans une nouvelle enfance. Ce qui suppose que précisément, je veux dire, la figure de Saturne n'a de sens que si elle débouche, en même temps, ou si elle s'allie, si elle entre en conjonction, si elle entre en tension, en dynamique, avec son enfant. Oui, oui. Là, il y a un cas clinique fréquent qui parle bien de cette position du retour nécessaire à l'enfant. C'est celle de patients que j'ai appelés des enfants correcteurs, du latin corrigere, redresser. Ce sont des personnes très énergiques, des enfants très énergiques, enfin qui ont une forte énergie psychique en eux, et qui sont très blessés par la défaillance d'un parent et qui le remplace en prenant et en jouant son rôle d'une manière très, très forte et très démonstrative. Mais ce faisant, ils perdent toute possibilité de vivre leur propre enfance. On pourrait dire que ce sont des adultes précoces. Et tout le travail analytique par rapport à ces personnes-là consiste à retrouver peu à peu la part d'enfance. C'est donc qu'il n'est pas possible de passer par-dessus cette expérience fondamentale de l'humain qui est l'enfance. Plusieurs fois prononcer, Valérie Ragon, un mot qui me semble assez important, à savoir le mot de souveraineté. Et c'est la question que je me pose, et d'ailleurs que vous développez très largement, est-ce qu'on peut comprendre Chronos en dehors de l'idéologie indo-européenne, ce que nous faisons souvent, parce que nous le prenons à part, si on peut dire, lui seul, sa figure telle qu'elle s'impose, est-ce qu'on peut le comprendre en dehors de cette idéologie indo-européenne et en dehors de l'idéologie de la souveraineté, précisément? Non. Alors en fait, effectivement, comme vous le dites, pour le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'était que finalement, on avait un dieu qui se réduisait à être une allégorie du temps. Et alors, on peut se demander quel rôle pouvait avoir ce dieu. Et c'est précisément là que le bât blessait. Il fallait en fait trouver quelle était la fonction de ce dieu. C'est-à-dire un dieu, il doit avoir une place dans une organisation du monde pour un peuple. Alors justement, pour retrouver la fonction du dieu Chronos, la première étape a été d'abord d'aller trouver un texte qui permettrait de reconstituer et de définir sa véritable fonction. Alors les textes, on avait la chance d'en avoir conservé quelques-uns, hein, soit fragmentaires, soit entiers, et surtout fondamentaux, nous avons conservé deux textes d'Hésiode, qui étaient d'un côté la théogonie, et de l'autre les travaux et les jours. Le premier, qui est la théogonie, permet de resituer Chronos à l'intérieur d'un récit unitaire sur les dieux, l'origine des dieux et le rôle que lui-même joue dans la création. Alors ce rôle, quel est-il? Le dieu Chronos est un dieu souverain, hein, et il partage ce rôle-là avec un autre qui est Ouranos avant lui. C'est-à-dire que dans l'histoire, dans la théologie grecque, il y a avant le monde que nous connaissons, qui est celui de Zeus, hein, le dieu de l'orage, il y a une préhistoire divine. Ces deux dieux souverains ont la particularité d'être des dieux créateurs. Le premier Uranos donne naissance au titan, et Cronos, à sa suite, lui, va donner naissance au dieu olympien, dont son fils Zeus. Alors ce sont deux dieux souverains, deux dieux créateurs, et ce sont deux dieux qui ont la particularité, qui partagent ensemble une chose intéressante, c'est que ce sont deux dieux qui ont été castrés. Uranos avec la serpe, par son fils Cronos, et Cronos probablement de la même manière par son fils Zeus. Donc ces deux dieux en fait ont des structures similaires, hein, ont quelque chose en commun. Et alors ce qui m'a semblé intéressant de poursuivre en fait un travail qui avait été commencé par Georges Dumézil. Hein. Alors Georges Dumézil avait remarqué en fait que dans la plupart des sociétés indo-européennes, de langue indo-européenne, on retrouvait en fait une théologie, une structure de théologie commune. C'est-à-dire que cette théologie, la théologie, était construite sur un système en trois parties. Les dieux étaient regroupés en trois sections. Il y avait d'abord les dieux de la fonction souveraine, il y avait ensuite les dieux de la fonction guerrière, et en troisième, les dieux producteurs de biens. Alors, ce qui nous intéresse, nous, directement, c'est qu'en fait, dans la première fonction, la fonction souveraine, elle se divise en deux parties. Pour prendre le cas indien qui est le mieux illustré, il y a en fait à l'intérieur de cette fonction deux types de dieux. Il y a le premier dieu, il y a deux dieux qui sont le dieu Mitra et le dieu Varuna. Il y a deux spécifications. Alors la première, c'est celle de Varuna, qui est le dieu magicien, le dieu souverain magicien, qui est un dieu initial, qui est un dieu plus furieux, guerrier, qui est le dieu qui maîtrise les formes. Et de l'autre côté, il y a le dieu juriste, qui est le dieu Mitra, et qui lui est le dieu pacifique, le dieu raisonné, qui est le dieu clair, qui est le dieu ordonnateur. Alors, ce double type de souveraineté se retrouve dans toutes les théologies des sociétés indo-européennes de l'Antiquité. Alors, on le trouve en Inde, on le trouve en Inde avec Mitra et Varuna, on le retrouve, cette même chose, en Scandinavie, avec Odin et Tyr. On retrouve la même chose chez les Germains, avec Odin et Tiwaz. Et on retrouve la même chose aussi en Iran, avec Ahura Mazda et Mitra. Alors, pour ce qui était de la Grèce, pour le dossier de la Grèce, en fait, on avait remarqué qu'on avait retrouvé, en fait, un de ces deux dieux, qui était le dieu Uranos. Uranos était, en fait, l'équivalent grec du dieu Varuna. Alors, c'est Uranos, c'est le dieu, on peut dire, c'est le premier dieu, hein, c'est un dieu initial, c'est le dieu du ciel nocturne. Alors, c'est un dieu magicien et c'est un dieu lieur. Mais de l'autre côté, on n'avait jusqu'à présent jamais trouvé quel était l'équivalent de Mitra chez les Grecs. On peut s'apercevoir qu'en fait, tout ce que nous donne la théogonie, complété par le poème des travaux et des jours, nous révèle en fait que Cronos est loin d'être un doublé d'Uranos, mais se révèle en fait un dieu antithétique et complémentaire d'Uranos, et donc pourrait tout à fait jouer le rôle de ce dieu de type Mitra, c'est-à-dire l'autre dieu souverain, l'autre partie de la souveraineté, qui est le dieu en fait, qui est le dieu pacifique, juriste, ordonnateur, calme, raisonné. Alors, quels sont les différents points qui permettent de le dire? En fait, l'adjectif et l'épithète qui revient le plus pour désigner Cronos est celui qui a trait à son intelligence rusée. Alors, c'est le terme ankylomethès qui désigne en fait l'intelligence courbe. Et effectivement, Cronos, lui, rentre dans le poème, dans la mythologie, par sa ruse, c'est-à-dire par une ruse, il va réussir à se cacher et il va réussir à castrer son père. Donc c'est cette intelligence-là qui va lui permettre de régner et qui va lui donner la royauté céleste. Autre point intéressant, là où Uranos, lui, est un dieu initial, hein, qui a une création exubérante, hein, dans la théogonie, c'est le père florissant, hein, et en fait on peut dire qu'il sème à tout vent, hein, mais sans finalement laisser la place à ce qu'il a engendré. Alors que Cronos, lui, donne la place à la création, et lui est un organisateur du monde. Autre point intéressant pour Cronos, il est le justement, parce que justement il y a les astres qui prennent leur place dans le ciel, il n'est plus lui le dieu d'un ciel nocturne, il devient le dieu d'un ciel lumineux. Et là, c'est tout à fait, on est tout à fait dans l'opposition de Varuna, ciel nocturne, et Mitra, ciel diurne. Autre chose encore, en fait, sous son règne, la création est florissante. C'est-à-dire que, en fait, une fois que tout est en place, la nature prend sa place, devient exubérante. C'est une époque, et c'est un âge d'or pour le monde. Hein. C'est-à-dire que tout pousse à foison. Les hommes vivent dans une paix absolue. Ils vivent dans la plus grande des vertus. Et donc, on peut reconnaître, en fait, dans Cronos, un dieu souverain qui est éminemment pacifique, hein, et qui apporte les choses en fait à leur apogée et à leur maturité. Figure traditionnelle de Saturne, je pense à un poème persan comme les sept princesses de mes amis, ou je pense à la Divine Comédie de Dante. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment, bon, on est dans l'imagerie astrologique, mais comment Saturne, c'est effectivement la lenteur, parce que c'est l'astre le plus loin, c'est l'astre froid, etc. Et pourtant, en même temps, c'est l'astre qui est le plus près de l'Empyrée. C'est-à-dire c'est l'astre qui est le plus près du divin et de la lumière, alors même que c'est le dieu des ténèbres. Oui, oui, oui. Attendument. Et donc, de se dire, mais pourquoi n'a-t-on pas pris compte de cette proximité, en fin de compte? Oui, non, on dissocie tout le temps. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, qui est peu connu sous cet aspect-là, qui est le cas des patients dits borderline, ou des états limites. Dans une conception jungienne, on peut dire de ces patients qu'ils se sont rattachés pour survivre à deux archétypes, que seraient un dieu père et une mère nature, et un autre archétype qui les définit eux-mêmes, qui est celui de l'enfant divin, du puer eternus. Et on voit bien l'importance à ce moment-là d'un retour vers Saturne, c'est-à-dire vers la Terre, hein, puisque Saturne c'est aussi le dieu de la Terre, hein, qui est, en séparant son père Uranos et sa mère Gaïa, il redonne une importance forte à la Terre. Hein. C'est aussi un dieu de la Terre. Mais pour que ces patients, qui sont comme projetés en dehors de la Terre, dans une sorte de ciel mythique, redescendent, parce qu'ils se plaignent justement de ne pas avoir de racines, c'est une grande souffrance. Et une image qui leur vient souvent, c'est celle d'un cosmonaute perdu dans l'espace, hein, ce qui est une souffrance épouvantable, horrible. Pour qu'ils reviennent et puissent avoir les pieds sur Terre, il ne faut pas perdre pour autant leur expérience première qui les a sauvés, c'est-à-dire celle de l'enfant divin. Or, beaucoup de psychiatres, de psychanalystes pensent que non, ce qui convient, puisqu'ils ont en tête ces personnes-là l'idée d'une scission entre les contraires, nécessaire entre les contraires, qu'il faut abandonner cette fantasmagorie de l'enfant divin, d'un dieu père, d'une mère nature, et puis mettre enfin ses pieds sur le sol, réaffronter la dure réalité de la vie, etc., etc. Alors qu'il me semble que, justement, une partie de l'archétype a été activée, l'enfant divin, le dieu père, la mère nature. Il reste maintenant à retrouver l'autre aspect de Saturne, c'est-à-dire l'aspect sérieux, l'aspect de gravité, le plomb, alors que le patient n'était que dans le vif argent de Mercure, hein, le plomb, la solidité, la noirceur, l'ombre. Mais c'est un travail qui n'exclut pas la première partie de l'expérience humaine de ces patients. Et Méaniel, vous faisiez allusion au fait que Saturne ou Cronos ait émasculé son père. Oui. Mais en même temps, on se dit que c'est ça qui a permis de diviser la Terre du ciel, d'arrêter cet accouplement infini, si on peut dire. Oui, oui. Et donc, d'une certaine manière, en même temps, c'est la figure qui met en ordre et qui fait qu'il puisse y avoir un cosmos. C'est une figure d'ordre, effectivement. Les dessins de mandala ou les peintures de mandala en rendent compte très très bien, je trouve. Le rond et le carré représentent un ordre puissant, on peut imaginer Saturne dans ce rond et ce carré, et au centre du mandala et des mandalas contemporains, il y a souvent un enfant. Et on a là une représentation justement du Saturne vieux qui crée un ordre et de l'enfant avec toutes ses potentialités. Mais est-ce que d'une certaine manière on ne retrouve pas, enfin moi c'est ce que je crois entendre à travers ce que vous dites, cette notion qui a été mise en avant justement par Michael Meyer et qui est ce qu'on appelait en alchimie le lusus serius, autrement dit le jeu sérieux. C'est-à-dire la fois, voilà. Ça peut être du jeu et à la fois, oui, ça peut être très sérieux. Oui, oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est accepter, enfin, un certain rapprochement des contraires. Hein, c'est une mise en tension. Le rapprochement des contraires, c'est une difficulté, c'est un problème. C'est pas une chose qui est donnée, c'est une chose qui apparaît peu à peu dans le cours d'une analyse, sans qu'on l'ait décidé, sans qu'on l'ait voulu, bien entendu, hein, comme une nécessité vitale. Parce que c'est lorsque les contraires sont rapprochés qu'une dynamique de vie se retrouve, que de l'énergie revient. Jung dit souvent que l'énergie, au fond, psychique, elle s'écoule d'un pôle au pôle contraire. Moi, je trouve que dans l'expérience clinique, on vérifie ça tous les jours. Dans beaucoup de ses traits, Cronos ne nous marque pas encore, puisque tout à l'heure, Valérie Raynaud, vous faisiez allusion à ces fêtes des Saturnales, par exemple, qu'on trouvait à Rome. Et on a l'impression que d'une certaine façon, ces Saturnales, le christianisme a voulu y mettre fin, et n'arrivant pas à réellement y mettre fin, les a plus ou moins christianisées. Ce que je veux dire, ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle les 12 jours, les fameux 12 jours de notre tradition. On a la sensation que ce sont les Saturnales, je dirais, d'une certaine façon rebaptisées. Alors tout d'abord, il faut peut-être essayer de repréciser qu'est-ce que les Saturnales. Et alors les Saturnales, c'est la grande fête de Saturne, hein, qui a lieu dans l'Antiquité à l'époque, une époque qui va du 17 décembre au 23 décembre, juste avant notre fête de Noël. Et donc là, par rapport à ça, on peut voir peut-être que dans nos pratiques d'aujourd'hui, nos pratiques domestiques, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont restées, qui demeurent, et que en fait l'Église n'a pas réussi à éradiquer depuis l'Antiquité. Alors quelle était la fête de Saturne ? La fête de Saturne, en fait, après qu'il ait perdu le pouvoir sur le trône céleste, hein, a été mis aux enfers et a été enchaîné aux enfers par Zeus, son fils. Mais une fois par an, Zeus acceptait que le dieu Saturne, Cronos, retrouve la royauté sur la Terre pendant une semaine. Alors, quelle était la fête des Saturnales ? Que se passait-il ? Pendant la royauté de Saturne, en fait, à Rome, il y avait un grand culte public qui était rendu à Saturne, qui était en fait ce qu'on appelle un lecticerne. Alors c'était en fait un banquet rituel qui était offert dans le temple de Saturne, sur le forum. Il y avait un grand banquet public qui était pour tous les citoyens, et il y avait également dans chacune des maisons ce qu'on peut appeler des véritables rites, hein, qui concernaient en fait cette fête des Saturnales. Alors, ces rites consistaient en différentes choses qui étaient d'un côté des banquets entre amis. C'était des banquets égalitaires, ce qui était très rare dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de morceau spécial pour un invité prestigieux. Il n'y avait pas du vin meilleur que d'autres pour certains invités. En fait, on était tous à la même enseigne, sauf le roi du banquet, qui lui était désigné là par le sort et non par son prestige ou par son sang, qui, en fait, alors, c'était des jeux à n'en plus finir. C'était une grande époque de réjouissance. Deuxième chose, on se faisait énormément de cadeaux. Hein, surtout les riches qui rachetaient les dettes à leurs amis pauvres, qui offraient des choses merveilleuses, on se célébrait. Troisième chose importante aussi, c'était une époque qu'on appelait la liberté de décembre pour les esclaves. C'était une époque où les esclaves étaient infiniment mieux traités que le reste de l'année dans le cadre de la maison par leur maître. Ils mangeaient avec leur maître. Les maîtres ne faisaient plus de différence dans leur tenue avec celle de leurs esclaves. Les esclaves avaient le droit de boire, de ne pas travailler, de se réjouir. Et en même temps, ce qu'il faut préciser, c'était une époque, en fait, il y avait une trêve dans les affaires de la cité. C'est une époque où on ne travaille plus, où toutes les affaires judiciaires étaient stoppées. Les Romains n'avaient pas le droit de partir en guerre. On n'avait pas le droit de se quereller avec son voisin. C'est une époque, c'est un 1er août pour nous aujourd'hui. Ça, c'est dans l'Antiquité. Les Romains, au moment des Saturnales, revivaient, tentaient de reproduire, en fait, l'âge d'or de leurs ancêtres. Aujourd'hui, au moment de la fête de Noël et des jours qui suivent, hein, peut-être puisque nous avons deux gros banquets aujourd'hui qui sont le banquet du Nouvel An et le banquet de Noël. Hein. Alors au moment de Noël, qu'est-ce qui se passe de la manière dont on célèbre aujourd'hui? Finalement, il y a peut-être quelques similitudes et quelques analogies avec ce qui se passait dans l'Antiquité, au temps des Saturnales et des Chroniens chez les Grecs. Alors, que fait-on aujourd'hui? Finalement, c'est un moment où on impose une paix incroyable au moment de Noël. Le moment de Noël, c'est la paix sur la terre. On fait bombance et on profite. Autre chose, on se fait aussi énormément de cadeaux. Hein, et puis on décore aussi la maison avec un grand sapin, avec des lumières. C'est-à-dire que c'est au même moment de l'année, finalement, on tente de recréer le jardin perdu, cet Éden initial, on tente de le restaurer à l'intérieur de nos maisons. En même temps qu'à côté, dans l'église, on célèbre la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que le lien de parenté auquel vous faites allusion, Valérie Adam, n'est pas d'autant plus clair, si l'on peut dire, qu'on sait très bien que pendant longtemps, la fête de la naissance du Christ, c'était une date qui n'était pas fixée, et que lorsqu'elle a été fixée, elle a été fixée au 25 décembre, parce que c'était la naissance de Mithra. Or, si j'ai bien compris, pour vous, Chronos, c'est l'équivalent de Mithra. Tout à fait. Et alors, en fait, on remarque, en fait, c'est au 4e siècle après Jésus-Christ que la fête de Jésus-Christ, la fête de la naissance du Christ, a été, en fait, à l'origine, elle est placée au 6 janvier. Mais elle a été reculée, comme vous disiez, en fait, au moment du 25 décembre, qui est juste la sortie des Saturnales, hein, qui se terminait le 23 décembre, et qui était, en fait, le moment de la fête de la naissance de Mithra, le 25 décembre, qui est assimilé à partir du 3e siècle à ce qu'on appelle le soleil invaincu. C'est-à-dire que là, c'est le moment où justement le soleil recommence à grandir, la nuit ne gagne plus sur le jour, et c'est le moment où on espère une renaissance du monde. Lorsqu'on lit, par exemple, je pense aux platoniciens de Florence à la fin du Moyen-Âge, Marcel Ficin, etc., c'est-à-dire cette idée que dans la mélancolie, sous Saturne, il y avait la plus grande fécondité. Mais oui, et que le genius, le génie, enfin au sens antique, c'était précisément sous le signe de Saturne. Mais oui. Mais justement, la créativité reconnue par Marcel Ficin au sein même de la mélancolie, ça indique bien que pour ces personnes-là, le vieux Saturne créait de lui-même un enfant potentiellement créateur. Hein. Dans la mélancolie même, et sous la figure de Saturne, naît un enfant chargé de plein de potentialités. Hein. Oui, mais c'est là justement j'ai l'impression que Saturne devient finalement une figure assez complexe, puisque vous dites, bon, d'une part, il est ambivalent, il a son côté d'ombre, il a son côté de lumière, et en même temps, il doit entrer en conjonction avec son opposé. Oui. Comme si, d'une certaine manière, je dirais, c'est conjonction d'opposés sur conjonction d'opposés. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle Saturne dans un système d'opposés, c'est-à-dire le Sénex opposé au Puer, c'est une facilité de penser, tout simplement. Il s'agit d'un même objet dont on peut dissocier deux parties, effectivement, qui sont plutôt l'une vers la vieillesse, le savoir qui peut se transformer en sagesse, et puis l'autre, au contraire, vers l'inventivité, la vie d'ici et maintenant, etc. C'est très légitime de séparer, à condition que ça ne soit pas une scission ou un clivage tel qu'on ne puisse plus choisir que l'un contre l'autre. Dans un panorama sans aucun doute très différent des mythologies, puisque là, ce que nous trouvons en arrière-fond, c'est beaucoup plus la mythologie celte dont il était issu, je voudrais signaler dans le livre de cette semaine, tout d'abord, le petit ouvrage de John Cooper Powys, L'art d'oublier le déplaisir, aux éditions José Corti. John Cooper Powys, c'est cet écrivain d'origine galloise qui, à la fois, montre dans l'ensemble de sa production littéraire, dans l'ensemble de ses écrits, de ses essais, de ses romans, de sa poésie, un tempérament mystique extrêmement fort et en même temps une sensualité qui est d'une puissance assez exaltée, faisant d'ailleurs parfois penser éventuellement à certaines pages de David Herbert Lawrence. Et c'est cela sans aucun doute qui fait le prix de toute la réflexion de John Cooper Powys, c'est la rencontre de deux domaines que par tradition nous avions largement séparés les uns des autres, et on voit comment, dans l'art d'oublier le déplaisir, il essaie de nous expliquer comment il faut se libérer de ses passions, étant entendu que les passions sont prises à leur sens étymologique, renvoyant au verbe latin pati, c'est-à-dire la manière dont on souffre. Et donc, il s'agit de se libérer de ces souffrances, de ce qui nous emmène hors de nous, non pas pour trouver un véritable jeu, non pas pour trouver quelque chose qui serait de l'ordre d'un grand autre, un grand autre qui s'incarnerait dans ce jeu, mais beaucoup plus de cette souffrance qui nous aliène à nous-mêmes et, en fin de compte, nous fait renoncer à notre propre humanité. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que son art d'oublier le déplaisir est suivi de jardins clos, est suivi du vent qui fait frissonner l'herbe, c'est-à-dire d'une réflexion sur les pouvoirs de la nature, sur l'accord que nous avons à établir avec cette nature et la façon dont il incarne très profondément sa mystique dans les domaines de la sensualité en général. Quant à ce que le vulgaire appelle la vie, s'en contenteront-ils? Ceux qui ont senti sur leur front la froide écume de ce qui est plus ancien que la vie, plus ancien que la mort, plus ancien que tout objet de pensée. Et puisque, avec Cooper Powys, nous étions dans les îles britanniques, je voudrais signaler aussi l'apparition, ou la nouvelle traduction, aux éditions Gallimard, dans la collection Poésie, des sonnets de Shakespeare, précédés de son œuvre Vénus et Adonis, et de cette autre œuvre, Le viol de Lucrèce. Vénus et Adonis, le viol de Lucrèce, et tout un ensemble de thèmes, d'ailleurs, que l'on retrouve dans les sonnets, ce sont des topos de la littérature de la fin du XVIe siècle, mais on s'aperçoit qu'en même temps, il y a comme un second niveau de lecture, comme s'il y avait une différence établie par Shakespeare entre son moi tel qu'il est inséré dans la société et dans la culture de son temps, et son jeu le plus profond. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on assiste, particulièrement dans les sonnets, à une sorte de jeu entre ce qui est de l'ordre d'un masochisme, ou au moins d'un masochisme intellectuel, et ce qui est de l'ordre, d'autre part, de la fascination pour la luxure. Et on s'aperçoit là, comme il y a, à l'évidence, le dépassement de ce qui est la littérature classique de son temps, la manière, je dirais, courante d'écrire dans cette fin de siècle, ou ce début de nouveau siècle, au XVIIe siècle, dans lequel il vivait, et où il y a quelque chose qui a profondément à voir avec son œuvre, c'est-à-dire à travers l'exercice de l'imagination, quelque chose qui dépasse notre monde, tout au moins notre simple monde sensible et visible. La mer est eau, pourtant elle veut la pluie. Elle l'ajoute à sa surabondance. Eh bien, toi qui désires tant, ajoute aux autres ce mien désir pour élargir le tien. Ne te refuse à aucun assaillant. Prends-les tous comme un seul. Et moi parmi ces autres. D'une certaine façon, et presque à l'opposé de Shakespeare, je voudrais signaler aussi l'essai de Dominique Blin, Ryokan, l'oublié du monde, aux éditions Les Deux Océans. Ryokan, on le sait peut-être, ou on le découvrira, était un moine du bouddhisme Soto Zen à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Il était poète et calligraphe. Il a mené une vie extrêmement paisible, avec simplement un certain nombre de voyages, une retraite dans un ermitage, et comme tous les moines qui relèvent de sa tradition, il s'est beaucoup servi de ce qu'on appelle le bol de mône, c'est-à-dire où précisément il allait de village en village en se faisant nourrir par ceux qui voulaient bien l'accueillir. Et ce qui est absolument passionnant dans la figure de Ryokan, c'est de voir comment il est devenu emblématique des moines zen dans l'ensemble de l'archipel de Nippon, et où tout le fond de son œuvre en revient à ce qui est sans aucun doute la leçon la plus profonde du zen, à savoir reconnaître le monde comme il est, ne pas se faire d'illusions, se dégager de toutes les impermanences afin d'être accessible à la seule réalité. Une robe trop courte, une veste trop longue, je vis ainsi allègre et insouciant. Sur le chemin, les enfants soudain m'aperçoivent. Ensemble, ils chantent en tapant dans leurs mains et me demandent de sortir ma balle. Je la lance dans les airs et compte les reprises jusqu'à ce qu'elle tombe sur le sol. Enfin, je voudrais terminer par l'évocation du livre de Marie Delclos et Jean-Luc Garrado, Le livre des morts égyptiens décryptés, aux éditions Trajectoire. Le livre des morts, on sait combien il a fait rêver, combien il a fait fantasmer. Ce livre qui, en réalité, s'appelle « Le livre de la sortie au jour », et bien entendu, il y a quelque chose de sa signification profonde qui se donne dans ce véritable titre, mais on sait aussi comme il est l'aboutissement de toute une littérature qui a commencé avec les textes des pyramides, qui a continué avec les textes des sarcophages, et qui a trouvé des parallèles dans ce qu'il est convenu d'appeler « le livre de l'âme droite » ou « le livre des portes » ou « le livre des cavernes ». En réalité, on voit très bien que dans ce livre, tel que nous le connaissons d'habitude, c'est-à-dire qui date de la fin du Moyen Empire, il s'agit non seulement de gagner l'immortalité de son âme, et non seulement de gagner la mentie, c'est-à-dire le paradis bienheureux en échappant à la dévoration par le monstre du néant, mais comme d'une certaine manière, il est aussi emblématique de la manière dont il faut mener sa vie, et où c'est un livre initiatique par rapport à la vie, mais initiatique en même temps par rapport à l'existence que nous devons mener dans cette vie. Et c'est tout le panorama qu'essaie de décrire Marie Delclos et Jean-Luc Garrado dans des interprétations avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais qui en même temps donne un commentaire raisonné de ce texte et permet d'avoir accès à tout un certain nombre de significations qui sinon nous resteraient quasiment incompréhensible, ne fût-ce que parce que nous n'avons pas les éléments de connaissance qui nous permettent d'entrer dans les symboles qui nous sont ainsi présentés. C'est un secret de l'au-delà, une révélation concernant les secrets du royaume des morts. Oui, réciter ce livre, c'est percer les montagnes, c'est offrir des vallées, un mystère. Les livres aujourd'hui. L'art d'oublier le déplaisir de John Cooper Powys aux éditions José Corti. Les sonnets de Shakespeare, Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce dans une nouvelle traduction de Yves Bonnefoy chez Gallimard dans la collection Poésie. Ryokan, l'oublié du monde de Dominique Blin aux éditions Les Deux Océans. Et le livre des morts égyptiens décrypté de Marie Delclos et Jean-Luc Garrado aux éditions Trajectoire. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Aimé Agnel et de Valérie Raidon. Réalisation Isabelle Huel.